J'ai dû pleurer toute la nuit dans mon sommeil. Je me demandais, est-il si merveilleux de se sentir heureux? Il faudrait l'être, oh oui, il faudrait l'être. Mais tout n'est pas si simple, si j'étais où tu es, je serais bien mieux. Je ne veux plus rien entendre, les mots sont si loin de toute fluidité où je me sens serein. C'est un monde merveilleux, il pourrait l'être, oh oui, il pourrait l'être, mais tout n'est pas si simple. Si j'étais